Être amoureux ou malade, ça finit toujours par un lit. Je n'ai plus quitté la chambre dès l'instant où il est entré dans ma vie. Dites-moi, docteur. Docteur, pourquoi ai-je la fièvre nuit et jour? Docteur, guérissez-moi, j'ai mal du côté de mon amour. J'ai eu la rougeole et les oreillons, mais je me portais comme un charme quand je cédais au charme de ce démon. Et depuis, docteur, docteur, toujours je grêle, j'ai le front brûlant. Existe-t-il un médicament? En pilule, en piqûre, et avec ou sans douleur, faites vite l'ordonnance qui me guérira de mon cœur. Oui, j'ai toujours cette fièvre, que je sois seule ou qu'on soit deux. Un grand feu me brûle, et quand je suis loin d'elle, je me raptive. Écoutez, docteur, mon cœur ne bat plus qu'à demi. Ah, docteur, appelez-la, ou je ne passerai pas la nuit. Pasteur lui-même se serait avoué vaincu. C'est pourquoi, docteur,